Le Centre de musique baroque de Versailles présente l'ex-podcast « Musique et musiciens à la Chapelle Royale ». Découvrez toute l'histoire de la Chapelle Royale de Versailles et de ses musiciens comme vous ne l'avez jamais entendu. Lalande le Grand Maître, le concours de 1683, une expérience sonore et visuelle racontée en 6 épisodes par Suzanne Gervais, à retrouver sur expodcast.cmbv.fr, en partenariat avec le Château de Versailles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Nous intéressons toute la semaine aux élites en temps de crise et aujourd'hui, nous allons regarder quelle est la responsabilité des écrivains pendant l'occupation. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Que trouve-t-on dans la vitrine de la librairie? Des livres au titre joli, La Conquérante, Les Quatre Jeudis, L'Homme à Cheval, Les Chiens de Paille, tiens, là il y a Dante et Mistral, ou encore Le Pain et le Vin. Des ouvrages publiés chez des grands éditeurs, Gallimard, chez Plon, les éditions du Cadran. Ils sont signés Robert Brasillac, Pierre Drieu-La Rochelle, Charles Maurras. Nous sommes en 1944. Brasillac, fusillé pour collaboration. Drieu-La Rochelle, qui se suicide pour ne pas être arrêté. Maurras, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale. Parfois, il y a du sang dans l'encrier et des mots qui tuent. Quelle est la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise? Nous nous adressons à la Libération. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'intéresse aux élites en temps de crise, pas simplement la crise sanitaire, non, la défaite aussi, comme par exemple à Athènes en 403 avant Jésus-Christ, quand l'empire de Charlemagne se délite. Et puis un regard sur les élites de la Révolution jusqu'à nos jours, des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, les intellectuels face à la crise, en tout cas leur responsabilité, l'intellectuel face à la collaboration. Avec vous, Gisèle Sapiro, bonjour. Bonjour. Vous publiez justement une réflexion autour de cette responsabilité. L'ouvrage publié au Seuil s'intitule « Des mots qui tuent ». La responsabilité de l'intellectuel en temps de crise, 1944-1945. Gisèle Sapiro, juste ce titre « Des mots qui tuent », ce n'est pas juste un titre pour frapper, c'est-à-dire qu'il est issu d'une réflexion. Et nous avons des auteurs qui présentent vraiment la nécessité de réfléchir à la force d'un mot qui peut tuer, notamment sur la période qui nous intéresse. Oui, c'est une idée empruntée à Simone de Beauvoir dans une citation tirée de ses mémoires où elle explique pourquoi en fait elle a refusé de signer la pétition de recours en grâce appuyant le recours en grâce de Brasillac et où elle dit il y a des mots aussi meurtriers que des chambres à gaz. L'idée, c'est que il y aurait des mots qui ont un pouvoir performatif et qui peuvent donc tuer. Alors, dans une situation comme la situation d'occupation, même si on ne croit pas à la théorie idéaliste selon laquelle les mots seraient à l'origine des actes, dans une situation comme celle-là et comme dans tous les régimes autoritaires, quand il y a un monopole en fait de la parole et pas de possibilité d'exprimer des avis contraires, la parole peut légitimer en fait la violence d'État, la justifier. Et c'est ce qui s'est passé sous l'occupation et c'est ce qui explique aussi les procès de l'épuration, parce qu'aujourd'hui on retient surtout la sévérité de ces procès et la peine de mort. Mais il faut comprendre quelle fut la violence, ces dénonciations collectives, ces modes de légitimation en fait de des crimes commis par l'occupant et par le régime de Vichy, par la Médice. Et donc ces mots qui tuent visaient aussi bien les gaullistes que les communistes et évidemment avant tout les juifs qui étaient déportés. Donc quand Rebatté écrit par exemple « Mort aux juifs », Évidemment, il légitime une politique qui est en train d'être mise en place de déportation et de spoliation des Juifs. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Gisèle Sapiro, je rappelle que vous êtes sociologue, historienne, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, vous publiez des mots qui tuent, la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise. Mais en fait, cette réflexion-là s'insère dans une réflexion beaucoup plus grande de votre travail qui porte sur les écrivains, avec ce regard sur les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie par exemple, et toute une réflexion sur peut-on dissocier l'œuvre et l'auteur. Ce sont des titres de vos ouvrages. Et justement, pour saisir combien le problème se pose en 1944-45 de la responsabilité de l'intellectuel, étonnamment, Gisèle Sapiro, je vous emmenais au bal. Je vous emmenais au bal, mais alors bien plus tôt, en 1857, mais pas n'importe quel bal, c'est un bal avec Emma Bovary. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier, la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut, et se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaine délicatesse du violon qui jouait seul quelquefois quand les autres instruments se taisaient. On entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté sur le tapis des tables. Puis tout reprenait à la fois. Le cornet à piston lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient, les mêmes yeux s'abaissant devant vous revenaient se fixer sur les vôtres. Un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert, lu par l'actrice Jacqueline Morane. Gisèle Sapiro, ça pourrait être étonnant de commencer une émission qui parle de l'épuration des intellectuels après la Seconde Guerre mondiale par un extrait de Flaubert qui nous conduit en 1857, sous le Second Empire. Mais parce que votre réflexion porte aussi sur le temps long. Juste après la Seconde Guerre mondiale, la responsabilité de l'écrivain n'est pas quelque chose de nouveau, n'est pas quelque chose qui apparaît soudain. C'est une réflexion longue et Madame Bovary en a subi les frais, en tout cas Gustave Flaubert, qui a subi un procès. Quelle est cette réflexion autour de la responsabilité de l'écrivain ? Oui, en fait, il y a une croyance très forte, notamment dans la culture française, en ce pouvoir des mots, en ce pouvoir aussi de la littérature, qui serait à la fois inciterait à des actions. Et par exemple, dans le cas de Madame Bovary, Flaubert est accusé d'avoir magnifié l'adultère et pourrait influencer en fait des femmes mariées à se détourner de leur mari pour chercher évidemment d'autres aventures. C'est aussi dans le domaine politique que on observe cette croyance, puisque ça remonte à la Révolution française et à l'idée que ce sont les philosophes qui ont fait la Révolution. Donc c'est un débat qui est toujours d'actualité d'ailleurs parmi les historiens, comme les livres font-ils la Révolution. Mais cette croyance est très forte, et à partir du moment où on a établi les lois sur la liberté d'expression, d'abord sous la Révolution française, mais ensuite à partir de 1819, les lois de Serres, il y a toujours eu un débat très puissant sur la question de est-ce que ça ne va pas ramener la Révolution, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'entraîner les nouveaux lecteurs qui sont plus faibles, plus influençables. Et parmi les nouveaux lecteurs, il y avait pas seulement les jeunes, mais il y avait évidemment les classes populaires et puis les femmes. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas de remettre en cause l'ordre social à travers la diffusion de livres? Et cette réflexion, on peut la faire remonter déjà à l'Ancien Régime aussi, puisque c'est le principe même de l'édit de Chateaubriand qui oblige d'apposer sur tout livre le nom de l'auteur et de l'imprimeur. Hein. C'est Foucault qui a dit que la responsabilité pénale de l'auteur a précédé en fait l'appropriation de son œuvre par l'auteur pour en tirer des profits. Donc cette responsabilité pénale, elle détermine en fait le cadre légal de l'écrit. Et en même temps, les écrivains, les philosophes, les hommes de lettres du XVIIIe siècle vont retourner cette responsabilité pour construire une éthique de responsabilité distincte de cette responsabilité pénale et pour revendiquer leur rôle comme étant celui de promouvoir la vérité auprès du public contre le clientélisme des puissants, contre la figure de l'homme de lettres courtisan et aussi contre le carcan que leur impose l'Église. Donc le principe de vérité va devenir le motto et Flaubert s'en réclame aussi en disant, enfin toute la tradition réaliste qui remonte aussi chez Balzac aussi, il y a l'idée que la morale bourgeoise est hypocrite, elle cache des vérités comme l'adultère et la littérature a le devoir de révéler ces vérités tout en distinguant la représentation de l'apologie. Ce n'est pas parce qu'on décrit l'adultère qu'on le promeut. On peut même le dénoncer, c'est ce que dit Flaubert, mais Gisèle Sapiro, c'est vraiment pertinent de mettre en place une réflexion sur le temps long. Vous évoquez cet édit de Chateaubriand qui nous conduit au XVIe siècle, en 551, donc quand un texte doit avoir un auteur, avec cette longue tradition de pensée, de construction, l'auteur est responsable, il doit dire des choses, et qui nous conduit au XVIIIe siècle, qui nous conduit à Flaubert. On pourrait aller plus loin avec Zola et l'engagement, la naissance des intellectuels. Toutes ces réflexions sont présentes dans les années 1930 et notamment en 1940, toutes ces années-là, avec cette fois-ci le moment de la crise qui nous intéresse, avec qui est responsable de la défaite, qui est la question, la responsabilité de la défaite de 1940 conduit à critiquer des auteurs, ceux d'avant, qui auraient poussé à cet esprit de jouissance qui a été dénoncé par Pétain. Oui, donc cette dénonciation de l'esprit de jouissance qu'il a emporté sur l'esprit de sacrifice qui va être à l'origine du procès de Rion, hein, le procès des hommes politiques de la Troisième République. Parallèlement donc à ce procès, il y a tout un débat sur qu'est-ce qui a conduit en fait à la défaite et la thèse du régime de Vichy, qui évidemment ne désigne pas les vrais responsables qui sont le haut commandement français, comme le dit Marc Bloch dans L'étrange défaite. La thèse du régime de Vichy, c'est que c'est le régime républicain et en particulier le Front populaire, notamment les congés payés. Et aussi, alors ça c'est développé par les écrivains conservateurs, la littérature serait responsable de la défaite de 40 parce qu'elle a été subjectiviste, pessimiste, défaitiste. Et alors il y a une sorte de théorie en fait de l'énergie produite par la littérature. Donc la littérature moderne aurait amolli les énergies. Démoraliser en fait les troupes françaises. Alors il y a tout un débat qui se met en place dès 1940 et qui va durer jusqu'en 1942 autour de cette querelle des mauvais maîtres. Donc évidemment parmi les mauvais maîtres il y a André Gide, il y a François Mauriac. Ça va d'ailleurs contribuer à pousser ceux qui sont désignés comme des mauvais maîtres dans l'opposition. Gide au départ hésite il publie dans la Nouvelle Revue Française reprise par Brieux La Rochelle et puis très vite il reçoit des lettres qui lui disent mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes en train de cautionner en fait parce que c'est la seule revue autorisée à reparaître sous l'occupation avec la bénédiction de l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abetz sous la direction de Brieux La Rochelle et très vite donc Gide se retire. Et cette querelle des mauvais maîtres Il y a des échos aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient régulièrement, hein, d'accuser les penseurs ou les maîtres d'être responsables de ce que font leurs disciples. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les procès de l'épuration contre cette fois Maurras, Drieu La Rochelle. Ils sont désignés en fait comme même Brasillac, bien qu'il soit jeune, parce que en tant que normalien et en tant aussi que figure importante de la collaboration, ayant été suivi par des jeunes, donc on leur reproche effectivement leur influence nocive. Voilà, Gisèle Sapiro, cette mise en place de réflexion en 1940 de dire il y a eu des mauvais maîtres nous permet de comprendre aussi pourquoi certains écrivains ont collaboré, au sens où la littérature sert aussi à former les esprits. Il y a eu de mauvais maîtres, eux se sont considérés sans doute comme les bons maîtres. Je vous propose l'extrait d'un film, ce film c'est Monsieur Batignolles, un film de Gérard Jugnot en 2002, où Jean-Paul Rouve joue l'écrivain, journaliste, collaborateur. Un riolet, c'est du tapioca. Non, merci. J'insiste pas. Je connais, bien sûr, j'ai commencé par lui dire que tu étais un antisémite pur et dur, que pour tes idées, l'Allemagne représentait l'avenir, la culture et tout le tremblement. Je suis avant tout français pour la Révolution nationale. Bon, j'ai pas insisté là-dessus. J'ai plutôt causé ton côté artistique, de tes articles contre l'art dégénéré et de ton talent d'auteur de théâtre. Mais je lui ai surtout dit que pour écrire tes pièces, tu souhaitais avoir un appartement confortable et calme. Et il dit quoi? Il est pas contre. T'es le meilleur, René. Je peux le voir quand, ton colonel? Bonjour, ce soir, mon bon ami. L'organisateur n'est pas réservé. Excuse-moi. Monsieur Guitry, j'ai une table qui se libère dans 2 minutes dans la salle du fond. Robert! Maître, excusez-moi, maître, un instant. Nous nous connaissons. Pierre-Jean Lamour. Plaît-il? Je vous ai remis le manuscrit d'une de mes pièces il y a un mois. Ah! J'écris sous le pseudonyme de Francis Moser. Francis Moser. Mais bien sûr, Francis Moser. Le redoutable critique de Je suis partout. L'auteur qui écrit avec un fusil mitrailleur, comme ses initiales le précisent. Les initiales? FM. À moins que vous ne préfériez fort médiocre. La table est prête, monsieur Guitry. Vous m'insultez, monsieur. Oui, mais moi je n'en fais pas mon gagne-pain, jeune homme. Un extrait du film Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot, où Jean-Paul Rouve, collaborateur, rencontre Sacha Guitry. Gisèle Sapiro, durant cette période de la collaboration, nous l'avons avec cet extrait, il y a plusieurs aspects pour l'écrivain de prendre la parole. Donc il y a l'ouvrage, ici nous avons entendu la pièce de théâtre, et puis il y a le journalisme. C'est-à-dire que dans la lecture que nous pouvons faire de cette responsabilité des écrivains, il faut voir dans le champ de ce monde très particulier qui est celui des écrivains, toutes les voies qui peuvent être prises. Il n'y a pas que les livres, il peut y avoir les articles de journaux. Oui, bien sûr, et c'est surtout pour ces articles. Enfin, il y a eu quelques livres qui étaient visités, comme Les Décombres de Lucien Rebatté, qui est un des best-sellers de l'Occupation, avec 65 000 exemplaires vendus. Mais c'est surtout les articles de presse qui ont été visés dans les procès après coup, parce que la presse avait une sorte de la presse collaborationniste en zone nord avait un monopole, et les hommes de lettres et les journalistes collaborationnistes faisaient du zèle pour se faire bien voir de la propagande d'Achtafel ou de l'ambassade d'Allemagne, mais aussi parce que, en raison de leurs propres convictions, hein, très, très clairement, il y avait une adhésion. Alors, dans l'extrait, on entend beaucoup la question des profits qu'on peut tirer de la collaboration, et effectivement, il y avait des profits en termes de rémunération, puisqu'il pouvait figurer sur la liste de la littérature à promouvoir, qui a été établie en 1941 par le groupe Schriftung de la Propaganda-Abteilung. Il pouvait figurer aussi au catalogue Miroir des livres, qui avait été coédité par la Propaganda et 14 éditeurs français. Et puis, il pouvait être invité au Congrès international des écrivains à Weimar. Il pouvait bénéficier, alors il y en a très peu qui ont bénéficié de la promotion exceptionnelle d'être traduit en allemand, parce qu'en fait l'Allemagne voulait renverser le rapport de force symbolique avec la France, et donc promouvait plutôt les traductions de l'allemand en français que l'inverse. Donc très très peu d'auteurs ont été traduits en allemand, et donc être traduit était une sorte de promotion. Et alors, être journaliste, c'était j'ai travaillé en fait sur j'ai fait une sorte de portrait des hommes de lettres collaborateurs. Sartre avait à la Libération dressé un célèbre portrait du collaborateur comme un désintégré, un désaffilié. Or en fait mon enquête sur une population de 55 hommes de lettres contredit son analyse, parce que l'écrivain collaborateur appartient très clairement à une élite sociale. C'est un homme qui est plutôt en fin de carrière, issu le plus souvent de la moyenne bourgeoisie parisienne, qui a fait des études secondaires. Il faut rappeler que les études secondaires étaient réservées aux élites, elles étaient payantes jusqu'en 1933. Et puis, ils ont engagé des études supérieures, souvent pas assez poussées pour accéder à un poste élevé dans la fonction publique ou à l'enseignement supérieur. Et donc, le plus souvent, enfin la moitié d'entre eux vivent de leur plume comme journalistes professionnels, tout en poursuivant des ambitions littéraires. Et en même temps, ils ne sont pas désaffiliés du tout. Ce sont des hommes de lettres très professionnalisés, socialisés. Ils appartiennent. Il y a des membres de l'Académie française, Pierre Benoît, Abel Bonnard, Abel Hermant, Claude Farrère, l'Académie Goncourt. Là, on a entendu Sacha Guitry. Il y avait aussi Jean de La Varenne qui a été élu en 43. Il y avait René Benjamin qui faisait La pluie et le beau temps. C'était un proche de Pétain. Ils étaient membres de sociétés d'auteurs, la Société des gens de lettres, deux anciens présidents. Il y avait aussi des anciens présidents et des membres de l'Association des écrivains combattants. 20 d'entre eux, sur les 55, avaient la Légion d'honneur. La moitié vivait dans les beaux quartiers. Voilà. Mais en même temps, on voit que ce sont plutôt ils sont hérités plutôt de capital économique que culturel, et on compte pas mal de collaborateurs qui sont des intellectuels de première génération, ce qui les pousse certains d'entre eux à une forme d'anti-intellectualisme. Et on peut voir aussi qu'ils ont été, en fait, pour les plus âgés, confrontés, mais aussi pour les plus jeunes, en fait, à la dévaluation de leurs capitaux avec le processus de démocratisation, la généralisation de l'accès à l'enseignement et la montée du paradigme scientifique contre l'ancienne culture littéraire dont ils se voyaient les dépositaires. Et en fait, l'école, c'est une de leurs bêtes noires, hein, l'école qui a promu des concurrents issus des minorités juives et protestantes et aussi des femmes. Voilà, et ces écrivains aussi dans le champ littéraire se retrouvent relégués à l'arrière-garde par les modernes. Ils se situent le plus souvent au pôle que je qualifie des notables ou du côté des polémistes, plus souvent que du côté des esthètes. Et puis on n'a pas d'écrivains vraiment d'avant-garde, hein. Voilà, donc, et sur le plan idéologique, évidemment, la plupart, ils proviennent dans leur très grande majorité de la droite, une bonne partie de l'extrême droite, surtout la Ligue d'Action Française. Et il y a une sorte, après les événements de 1934, les émeutes, ils se sont radicalisés, en fait. L'Action Française ne répondait plus vraiment aux aspirations des plus jeunes d'entre eux, qui étaient fascinés par les régimes fascistes. Ils ont été attirés par les partis fascistes comme le Parti populaire français, comme Drieux-La Rochelle par exemple. Et puis on voit une radicalisation qui s'opère dans les années 30 lors de l'agression mussolinienne en Éthiopie ou pendant la guerre d'Espagne et sous le Front populaire. Voilà. Gisèle Sapiro. Justement. Peut-être le cercle européen, je voudrais mentionner, parce que ils appartiennent au groupe collaboration qui était présidé par Alphonse de Chateaubriand, mais aussi au cercle européen. Et ça, puisque c'est sur les élites, il est créé en 42 en vue de la formation de l'élite européenne. Il comptait plus de 2300 membres et se donnait pour objectif de faciliter les contacts entre les écrivains, les intellectuels, les économistes, les industriels, les commerçants, les techniciens, je cite là, appartenant aux diverses nationalités de l'Europe en vue de l'organisation rationnelle de l'économie européenne. Parce que l'Allemagne avait un plan de construction d'une Europe sous son égide. Et donc là, beaucoup de ces hommes de lettres collaborateurs participaient à ce cercle. Et Gisèle Sapiro, nous entendons bien dans ce portrait que vous dressez ces cheminements à votre démarche de sociologue. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous publiez un dictionnaire international Bourdieu au CNRS Éditions. Et justement, c'est intéressant de voir un peu comment, à l'intérieur du champ littéraire, se placent ces écrivains collaborateurs. Si l'on vous dit, c'est une image qui apparaît très souvent, « Ah oui, mais ce sont des écrivains ratés qui n'ont trouvé que ça pour que l'on parle d'eux. » En fait, c'est énormément plus nuancé. Peut-être que certains ont voulu ça. Mais ce n'est pas comme ça que se construit la posture de l'écrivain qui choisit la collaboration. Non, parce que, enfin, il y en avait, hein, il y en avait quand même pas mal. Il faut le dire, hein, parce que s'ils sont journalistes, c'est qu'ils ne vivent pas complètement de leur plume d'écrivain. Mais les membres de l'Académie française, c'était plutôt des figures, comme je le disais, reléguées à l'arrière-garde, en déclin, mais ils continuaient quand même à avoir une position sociale très très importante. Alors, parmi les plus jeunes, effectivement, il y a un certain nombre qui n'auraient pas eu cette visibilité sans les conditions de l'occupation qui voient en fait ceux qui occupaient la place se retirer, les écrivains les plus établis et les plus reconnus, comme justement Gide, Mauriac, décident de ne plus publier dans la presse de Zone Nord qui est compromise. Et du coup, la place est libre et permet à un certain nombre de jeunes loups d'être promu par les circonstances, en fait. Mais il est vrai qu'une grande partie, tous les membres de l'Académie française, pas tous évidemment, étaient collaborateurs, hein, il y en avait quatre qui l'étaient très clairement, sans doute un peu plus, mais ils étaient, dans l'ensemble, Pétain était membre de l'Académie française, hein, il faut s'en souvenir. Et ils avaient élu, l'Académie française avait élu Charles Maurras en 38, en faisant lever les réticences du Vatican à cette élection. Et Charles Maurras sortait de prison pour avoir attaqué les membres du gouvernement du Front populaire. Donc, une bonne partie d'entre eux faisait partie complètement de l'establishment littéraire, du pôle mondain, on peut dire, du champ littéraire. Et là, on voit aussi une confrontation entre la France des notables, hein, les anciennes élites et les nouvelles élites républicaines, puisque beaucoup d'entre eux, en fait, appartiennent ou sont des héritiers de cette France des notables et n'ont pas accepté en fait la méritocratie républicaine et l'avènement aussi des minorités promues par la République. Eh bien justement, en écho à ce que vous venez de nous dire, Gisèle Sapiro, sur cette mise en cause d'une France des notables, en tout cas d'institutions, je vous propose d'écouter une archive de janvier 1945. Donc ça y est, le débarquement a eu lieu en juin 1944, Paris est libéré au mois d'août 1944 et se pose déjà la question des procès, de la responsabilité. Là, dans cette archive des actualités françaises en janvier 1945, nous sommes au moment du procès de Charles Maurras. La vieille dame du bout du quai, l'Académie française, a des comptes à régler avec ses académiciens. Pétain d'abord. Et puis Abel Bonnard, dont Pétain fit un ministre. Et puis Abel Hermant qui nous enseigna la collaboration. Et puis Charles Maurras, et puis peut-être quelques autres. Pour Maurras, la justice a agi. À Lyon, on a vu Maurras, assisté de Maurice Pujot comme d'une ombre endormie, passer devant la cour. Accusé de crime contre la patrie, on l'a vu ergoté, menacé, trépigné, opposé le fatras de ses abstractions, de ses sophismes et de ses diatribes rageuses. Il a sauvé sa tête, mais la patrie l'a condamné. La patrie a condamné Charles Maurras. Gisèle Sapiro, au moment où se mettent en place les procès, alors ces procès d'intellectuels qui ont participé à la collaboration, nous sommes vraiment à la fin de l'année 1944-1945, il y a cette question déjà, une question tout simplement de responsabilité pénale. Il y a une liberté d'expression en France. Que dit le droit? En quoi sont-ils attaqués? Oui, donc en fait, ces procès sont menés dans le cadre de l'intelligence avec l'ennemi, hein, le crime d'intelligence avec l'ennemi. Donc, c'est pas le cadre de la liberté de presse, hein, qui est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, des lois de la grande loi républicaine de 1881, qui a été d'ailleurs abrogée par le régime de Vichy, parce qu'il n'y avait plus de liberté de presse. Donc là, on est dans le cadre de intelligence avec l'ennemi, qui est un crime qui est puni de mort, sauf circonstances atténuantes. Hein. Donc la trahison, c'est on voit que c'est un crime laïque qui s'apparente au sacrilège. En fait, donc ceux qui étaient des cas moins où la charge n'était moins évidente, c'est l'article 75 et suivant du code pénal, hein, plus l'article 89 des actes nuisants à la défense nationale. Et les cas de moindre gravité étaient déférés en chambre civique. Donc les procès en intelligence avec l'ennemi étaient jugés en cour de justice. Il y a eu aussi des procès en haute cour pour les hauts responsables, hein, comme le maréchal Pétain lui-même. En chambre civique, ils étaient poursuivis pour indignité nationale. Parallèlement à ce processus judiciaire, il y a eu aussi une épuration professionnelle qui passait par les ordres et les associations. Et pour les écrivains, il y a eu un comité d'épuration des gens de lettres où étaient représentées les différentes associations, sociétés de gens de lettres, sociétés des auteurs et compositeurs, comité national des écrivains issus de la résistance. Voilà. Et comment se construisent ces procès? C'est-à-dire que nous sommes vraiment juste après la libération, dans ce moment extrêmement particulier que l'on a appelé l'épuration. Il y a cette épuration du moment extrêmement vif de l'arrestation. Sacha Guitry, d'ailleurs, en a fait un livre, hein, Les 60 jours de prison. Et puis, il y a toute une réflexion aussi de mise en place de l'institution judiciaire. Comment s'organisent ces procès, Gisèle Sapiro? Oui, alors il y a la mise en place et puis il y a les arguments donc qui sont évoqués. Donc pour l'accusation, en fait, il s'agit d'actes de trahison. Hein. Donc on n'est pas dans des pendant tout le procès, il y aura un débat. Vous avez évoqué la liberté d'expression et effectivement, la défense va essayer d'avancer qu'il s'agit d'opinion et pas d'actes. Or pour l'accusation, il s'agit d'actes définis comme des actes de trahison et c'est là qu'on voit aussi que le droit a le pouvoir de définir certaines paroles comme des actes. Donc les actes de trahison, c'est la propagande en faveur de l'ennemi, le soutien à l'Allemagne nazie, les dénonciations collectives de Français, qu'ils soient juifs, gaullistes ou communistes. Par exemple, Brasillach a appelé à fusiller les traîtres ou à les déporter. Maurras a appelé à prendre et fusiller des otages dans les familles gaullistes et communistes. Brasillach, lui, au moment des rafles, il avait dit cette phrase « Il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Rebatté, lui, j'ai déjà cité son mais il y a plein de propos antisémites, mais j'ai déjà cité cette phrase « mort aux juifs hein. ». Céline lui réédite « Bagatelle pour un massacre » en 43, et le procureur lui dit « Bon, autant vous pouviez le publier dans les années 30, parce que là, ça n'avait pas de conséquences, autant au moment où les juifs étaient déportés, spoliés, là, rééditer ce pamphlet avait un impact immédiat parce qu'il légitimait en fait ces spoliations. Et le fait est aussi que bon, eux se défendaient. Je vais venir aux arguments de la défense, mais se défendaient en disant que c'était l'antisémitisme avait des sources bien françaises, qui étaient parfaitement justes. Mais du point de vue des commissaires au gouvernement, ça ne changeait rien aux conséquences que ça avait pour une catégorie de la population qui était juive. Et puis il y avait la question de l'influence. Donc Maurras, dont le commissaire au gouvernement souligne le très grand talent, est traité de sophiste et on lui reproche d'avoir trompé l'opinion, de l'avoir aveuglé. Donc c'est là le talent qui normalement est utilisé comme une circonstance atténuante fonctionne comme une circonstance aggravante. Il aggrave la responsabilité. Donc lors du procès de Brasillac, qui était, je le rappelle, normalien en plus, le réquisitoire du commissaire du gouvernement insiste en fait sur le puissant prestige dont jouit cet écrivain qui était paré de toutes les séductions de l'éloquence persuasive, dit-il, hein, dans un pays qui a toujours placé au premier rang les mérites de la plume. Et donc il lui reproche d'avoir abusé de ses dons, de cette autorité. Voilà, donc. Alors du côté de la défense, juste si je peux. Allez-y. Oui. Donc le. Alors d'abord, il y avait l'argument de dire, en fait, ce sont des procès d'opinion qui ne devraient pas être en régime démocratique. Donc là, le recours à l'argument de la liberté d'expression était invoqué par ceux-là même qui avaient appelé à supprimer la liberté d'expression au 40 et qui aussi occultaient le fait qu'ils détenaient un monopole de la parole face aux adversaires muselés, ce qui augmentait leur pouvoir symbolique. Et donc, il portait ces discours qu'on pourrait appeler des discours de stigmatisation qui légitimaient la violence d'État exercée contre les Juifs et les opposants. Alors, l'autre argument qu'ils avaient évoqué, c'est évidemment que le régime de Vichy, qui était un régime pour légal de la France, le gouvernement légal de la France, avait décrété la politique de collaboration et qui n'avait fait que s'inscrire dans cette politique. Et puis, dans les arguments en défense, ils ont souvent rejeté la responsabilité sur des supérieurs, donc par exemple Béraud, qui était un pamphlétaire très virulent, il avait eu le prix Goncourt pour le martyr de l'obèse, Henri Béraud, pamphlétaire très virulent qui avait attaqué tous les hommes politiques du régime républicain dans l'hebdomadaire Gringoire avant la guerre, qui tirait plus de 500 000 exemplaires, dit à son procès qu'il a fait confiance au maréchal en disant comment un citoyen, un simple citoyen comme moi aurait-il pu douter du vainqueur de Verdun. Et de même, Lucien Combel, alors lui, il est plus jeune de fait, lui, il renvoie la responsabilité sur Drieux-La Rochelle, qui, vous l'avez dit, se suicide quelques mois après, en mars 45. Et puis, alors, on voit aussi un recours à des procédés littéraires, à des arguments littéraires, comme il y en avait dans les procès littéraires du passé, pour se défendre. Donc, par exemple, le style et le genre pamphlétaire qui historiquement sont conçus comme une littérature d'action sont minimisés en disant est-ce que le polémiste ne fait pas toujours plus de bruit que de mal, hein, c'est ce que dit Rebatté au moment de dans son mémoire en défense il minimise l'impact de sa plume. Abel Hermant parle aussi de « Ah, ben là, c'est une bouffonnerie littéraire ». Et Rebatté, à propos de son virulent pamphlet antisémite « Les décombres », va dire « Mais en fait, c'était le genre des confessions, c'était une confession ». Or, en 1942, ce livre avait bien été reçu comme un pamphlet et comme un programme d'action, hein, avec, comme je l'ai rappelé, une vente très importante, 65 000 exemplaires. Céline, pareil, dans son procès, dans une lettre à son avocat, parce qu'il n'était pas à son procès, écrit « Qui a lu les beaux draps ? Personne ». Oui, c'est ça. Personne ne nous a lu, donc nous ne risquons rien. Gisèle Sapiro, c'est vrai que le témoignage de Robert Brasillac, qui pourrait nous parler de son procès, ben nous ne l'avons pas parce qu'il a été fusillé pour collaboration. Pareil pour Drieux-La Rochelle, parce qu'il s'est suicidé avant d'être arrêté. Mais c'est pas le cas de Lucien Rebatté. Nous avons son témoignage. Il a fui en Allemagne, donc il a vécu longtemps. Lucien Rebatté, il était présent à Radioscopie. C'était sur France Inter le 10 décembre 1969. Je me rends très bien compte de l'importance. J'ai toujours protesté contre les écrivains, contre la thèse des opinions politiques que les écrivains peuvent défendre dans leurs livres sans les engager en quelque sorte. La thèse de libéralisme dans les opinions politiques me paraît absurde. J'ai été condamné à mort. J'ai trouvé que c'était normal. Est-ce que vous trouvez que normal d'avoir été gracié ? Je trouve également normal d'avoir été gracié, étant donné que les fabricants du mur de l'Atlantique avaient 4 ans de prison. Là où ça ne l'est anormal, vous comprenez, c'était que les journalistes et puis les policiers qui avaient travaillé avec des mandats des juges repassent devant ces mêmes juges qui les condamnaient à mort. Ce sont les deux catégories de Français qui ont payé le plus cher. Les journalistes, pour les journalistes, je trouve que, si vous voulez, c'était normal, n'est-ce pas ? Pour les policiers, c'était ignoble. Parce que ces gens-là n'avaient fait qu'obéir à des ordres. L'écrivain Lucien Rebattet, interrogé par Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie en décembre 1969. Gisèle Sapiro, nous entendons un Rebattet qui dit « Mais c'est normal, j'ai été condamné à mort, mais c'est normal. » Ce qui le gêne, c'est que les collaborateurs économiques étaient moins condamnés. Il y a toute cette réflexion qui est déjà présente à l'automne 1944, au moment des procès, 45 encore. Il y a l'idée que l'écrivain est pris comme modèle, comme exemple, ce qui n'est pas tout à fait faux. Oui, alors l'écrivain, il y a eu un débat sur savoir est-ce que les hommes de lettres ont été, les intellectuels, est-ce qu'ils ont été les boucs émissaires hein, de cette épuration. Effectivement, si on voit l'épuration comme une sanction collective, on pourrait qualifier ça de bouc émissaire, parce que c'est vrai qu'il fallait faire des châtiments exemplaires et que les intellectuels s'y prêtaient, d'une part parce que leurs écrits étaient des sortes de preuves évidentes de leurs convictions, de leurs engagements, et parce que leur notoriété faisait qu'ils étaient désignés pour subir cette individualisation de la responsabilité, pour incarner en fait le crime d'intelligence avec l'ennemi en permettant d'individualiser cette responsabilité collective. Donc ce que Rebattet évoque, c'est le débat qui a eu lieu effectivement en 44-45 et qui s'est poursuivi. Jean-Paul Land, dans De la paille et du grain, évoque cette... il était un des premiers, c'est un résistant, qui était un des premiers à plaider le droit à l'erreur. Il va développer cette parabole dans De la paille et du grain en 48, la parabole des bâtisseurs du mur de l'Atlantique qui se promènent librement parmi nous alors qu'on jette en prison le journaliste qui écrit que le mur est bien bâti. Donc pour Polan, les idées seraient de moindre conséquence que les actes. Et Polan est soutenu par toute l'ancienne génération, en fait, qui sont aussi les signataires de la pétition appuyant le recours en grâce de Brasillac, dans laquelle en fait, une grande majorité d'aînés et Camus, qui était le premier à s'opposer en fait, à Mauriac en 44 sur la question de la sévérité justement de l'épuration, au tel point que leur polémique a été baptisée « Justice ou charité ». Camus signe la pétition parce que il s'oppose à la peine de mort et aussi parce que Brasillac a le même âge que lui, il a perdu son père, il a 35 ans, hein, il a perdu son père dans la Première Guerre mondiale, donc mais il est le seul à signer, hein, donc Sartre et de sa génération, de Sartre et Beauvoir ont refusé, hein, comme on l'a dit. Donc le débat il vraiment oppose les deux générations, hein, la génération d'avant guerre et la nouvelle génération, Vercors, Segers, Emmanuel Mounier, qui considèrent que la responsabilité de l'écrivain est supérieure à celle de l'industriel, alors que les aînés, comme Georges Duhamel, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie française à l'époque, qui a soutenu les opposants et les résistants, tentent d'imposer des limites ou des échelles. Et en fait, c'est Sartre qui va répondre finalement à Poulenc de manière indirecte en disant que les écrits sont des actes, et on voit que la théorie sartrienne de la responsabilité de l'écrivain se nourrit en fait des procès où les hommes de lettres, les intellectuels sont jugés pour leurs écrits considérés comme des actes. Donc pour Sartre, la responsabilité de l'écrivain est supérieure à celle du médecin ou du cordonnier parce qu'il a le pouvoir de nommer et donc de donner sens aux actes. Et pour lui, donc, elle est extrême et elle est à la mesure de la liberté créatrice dont jouit l'écrivain qui, à la différence de l'artisan, forge ses propres règles de production. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous écoutions justement Jean-Paul Sartre qui parle sur Radio-Canada en 1967 à propos du procès de Nuremberg et qui en profite pour évoquer la responsabilité des intellectuels. Qui étaient les Américains pour juger ces coupables? Ils étaient uniquement les vainqueurs. La force ne donne pas la légalité. Et ce qui a précisément entaché le procès de Nuremberg aux yeux de beaucoup de gens, d'irrégularité, c'est qu'au fond, il était fondé sur la force, sur une victoire. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas, c'est que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète, c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions, nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus, parce que ce serait absurde, nous n'avons pas les moyens. Mais ce que nous avons le droit de faire, c'est de dire, vous, impérialistes, qui avez fait des lois générales et internationales pour les contre certains aspects que peut prendre une guerre, tombez-vous ou non sur les lois que vous avez faites vous-même, sous le coup de ces mêmes lois. Jean-Paul Sartre, que nous entendons parler de la responsabilité des intellectuels. Gisèle Sapiro, nous avons commencé cette émission qui parle des procès des intellectuels, des écrivains qui ont collaboré, en évoquant le procès de Madame Bovary de Flaubert à la fin du 19e siècle, enfin en 1857. Ce moment de la libération et des procès est intéressant hein, dans cette longue histoire. Je rappelle, Gisèle Sapiro, que vous êtes auteur de La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, 19e, 21e siècle. Une longue traversée, vous réfléchissez à ces mots qui tuent la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise. C'est un moment hein, de rupture. L'écrivain, maintenant, il y a la conscience qu'il a une responsabilité. Les procès l'ont montré. Et une inversion surtout de cette notion de responsabilité, parce qu'elle existait, mais elle était plutôt promue par les écrivains conservateurs pour restreindre en fait la liberté d'expression et la liberté de l'écrivain. Or, Sartre la retourne et lui donne une portée universelle en l'arrimant justement à sa philosophie de la liberté. Donc, parce que pour Sartre, l'écrivain étant l'incarnation de la liberté, il a aussi pour mission de défendre la liberté partout. Et cet extrait était passionnant parce qu'effectivement, en 44, les 45, les procès de l'épuration en France sont menés dans le cadre légal de trahison nationale. Or, Sartre, quand il définit cette responsabilité d'écrivain, il l'universalise. À un moment justement où le procès de Nuremberg est en train de définir les crimes contre l'humanité, Sartre n'inscrit pas en fait la responsabilité de l'écrivain dans le cadre national, mais lui donne une portée vraiment beaucoup plus profonde, les rend responsables de la liberté humaine. Et d'ailleurs, il y a un article de Simone de Beauvoir au début 46 dans les temps modernes, où elle accuse Razillac non pas d'avoir trahi, mais d'avoir commis un péché contre l'homme en s'appliquant à dégrader l'homme en chose. Dégrader l'homme en chose, c'est vraiment cette question qui est passionnante, hein, parce que grâce à vous, Gisèle Sapiro, on a fait cette longue traversée, mais pour comprendre ce moment très particulier des procès d'intellectuels en 1944-1945, ce sont des mots qui tuent, c'est le titre de votre ouvrage. Merci beaucoup Gisèle Sapiro, et dans le cours de l'histoire, il est l'heure maintenant de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, nous voilà toujours plus confinés, de plus en plus confinés. Un tour de vis dans notre vie confinée est annoncé depuis hier par Gérald Darmanin et on attend avec fébrilité le point d'étape de Jean Castex ce soir sur l'évolution des règles en cours. Dans le numéro du magazine L'Histoire daté de septembre consacré à cette pandémie qui change le monde, le préhistorien Jean-Paul Demoule propose une longue histoire du confinement ou comment un étrange phénomène se produit depuis des millénaires, le confinement progressif et volontaire de l'humanité. D'abord parce que l'humain fait figure d'exception avec sa manie de se mouvoir en permanence. La majorité des espèces occupent un territoire circonscrit qui leur apporte ce dont elles ont besoin avec quelques incursions à date fixe pour pallier l'appauvrissement saisonnier de leur ravitaillement. La liste des quelques lieux de vie où les hommes et femmes s'approvisionnent toute l'année depuis des millénaires pourrait vous étonner. Sibérie, Scandinavie, Japon, Canada. Là, l'occupation humaine est constante et stable. Le poisson, c'est la vie. Il y a 2 millions d'années, nos ancêtres ont poussé leurs explorations toujours plus loin, quittant ainsi l'Afrique vers l'Asie, l'Europe et le continent américain. Mais avec la fin d'une glaciation qui avait quand même duré 100 000 ans, l'errance humaine prend progressivement fin. On passe d'un quotidien à parcourir parfois des dizaines de kilomètres par jour, pour le chasseur-cueilleur du Paléolithique, à la quasi-immobilité du télétravail. Les chasseurs se font éleveurs et agriculteurs, la sédentarité devient possible et nécessaire au bon développement de ces activités qui permettent de ne plus courir après sa pitance à longueur de journée. La vie s'organise autour de maisons désormais en dur, entourées de champs et de pâtures. Les humains s'entassent alors les uns avec les autres, mais aussi avec leurs animaux domestiques et tous les parasites. Rats, puces, blattes, moineaux, pigeons et goélands, pour sans le savoir créer un bouillon de culture inédit, une promiscuité chargée de miasmes et de maladies de toutes sortes, sans oublier la contribution des bêtes sauvages aux alentours. Un réservoir viral qui n'empêche pas l'augmentation considérable de la population de la planète, qui contribue à l'apparition des premières villes, bientôt des premiers immeubles, on s'entasse toujours plus, et leur fabuleux réservoir de microbes. Avec l'invention de l'écriture, plus besoin de se voir pour se parler, le temps de transmission est raccourci d'autant plus avec l'électricité et le télégraphe, le téléphone, Internet, et nous voilà. Sur nos canapés, affalés, tablettes en main devant un écran plasma, branchés sur les chaînes d'information en continu, perpétuellement disponibles, sortir pour quoi faire. Jean-Paul Demoule termine sa démonstration par une citation d'Isaac Asimov, tirée de son œuvre de science-fiction Fondation, un résumé du déroulement de la vie à Trantor, capitale de l'Empire Galactique, par la bouche de l'un de ses habitants, telle une prophétie. Quand on est dans une alvéole, qu'on grandit dans un couloir, qu'on travaille dans une cellule et qu'on prend ses vacances dans un solarium où les gens se bousculent, on ne risque rien de moins que la dépression nerveuse le jour où l'on s'aventure à l'air libre, sans rien que le ciel au-dessus de sa tête. Alors si vous avez l'impression parfois, enfermé chez vous, de la quitter un peu, rassurez-vous, le confinement, ça n'est pas la fin de l'humanité, mais bien l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous voici rassurés. Merci Anaïs qui en retrouve cette histoire confinée dans les pages du journal de l'Histoire sur le site franceculture.fr et sur la très ergonomique application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Odile Joissel, Valentine Lovrins, Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. À écouter ainsi que toutes les précédentes sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Une émission à commenter, à suivre sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire où vous êtes vraiment de plus en plus nombreux avec des commentaires intéressants et pertinents sur ces émissions, sur l'histoire, sur l'actualité de la recherche. Merci beaucoup à vous tous. Demain, nous allons évoquer la réparation des soldats. Oui, réparer des soldats, mais par une médecin, une femme médecin auprès des gueules cassées avec Leïla Slimani et Clément Oubrery pour un ouvrage magnifique qui nous fait découvrir une femme au destin exceptionnel.